Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 29. Du mot personne. Définition, convenance, et signification de ce mot dans la Trinité. 1. Donnons une notion exacte du mot personne. Qu'est-ce qu'une personne? Boèce répondait, une personne est une substance individuelle de nature raisonnable. Nous acceptons cette définition. En voici l'explication. L'individualité se trouve proprement dans la substance qui s'individualise par elle-même, tandis que les accidents ne sont individualisés que par une substance. De là les substances individuelles ont dû recevoir un nom spécial qui les met avant les autres, elles s'appellent hypostase ou substance première. Or, les individus se trouvant d'une manière plus spéciale encore dans les substances raisonnables qui ont le domaine de leurs actes avec la faculté d'agir par elles-mêmes, les individus de nature raisonnable ont, parmi les substances premières, un nom qui les distingue, et ce nom est celui de personne. Aussi disons-nous, dans notre définition, que la personne est une substance individuelle, pour désigner le singulier dans le genre de la substance, et nous ajoutons qu'elle est de nature raisonnable, pour indiquer qu'elle est une substance individuelle de l'ordre des substances raisonnables. Note. Le déterminatif individuel remplit un rôle important, il refuse la personnalité à la substance qui est assumée par une substance plus noble. Ainsi, par exemple, le corps humain n'est pas une personne, parce qu'il est assumé par l'âme, qui est une substance plus noble que lui. De même la nature humaine en Jésus-Christ n'est pas une personne, parce qu'elle est assumée par un être plus noble, qui est le Verbe de Dieu. Fin de la note. 2. La personne est-elle la même chose que l'hypostase? La subsistance et l'essence. Qui dit hypostase dit une substance ou suppôt qui soutient des accidents. Qui dit subsistance dit un être qui subsiste en lui-même. Qui dit essence dit la nature d'une chose que l'on exprime d'ordinaire par la définition. Qui dit personne exprime un suppôt, une subsistance, une substance individuelle de nature raisonnable. Ce mot ne convient qu'aux êtres raisonnables, mais, dans cette catégorie, il exprime la même idée que les mots hypostase, subsistance, suppôt. Note. Quoique le mot hypostase signifie proprement toute substance individuelle qui soutient des accidents, l'usage a prévalu chez les Grecs de le donner aux substances particulières de nature raisonnable qui se distinguent par leur excellence. C'est pourquoi, comme nous disons, il y a trois personnes ou subsistances en Dieu, ils disent, il y a trois hypostases. Fin de la note. 3. Le mot personne convient-il à Dieu? Que nous dit le symbole de saint Athanase, autre est la personne du Père, autre la personne du Fils, autre la personne du Saint-Esprit. Le mot personne convient donc à Dieu. Ce mot, en effet, désigne ce qu'il y a de plus parfait dans toute la nature, c'est-à-dire l'être qui subsiste dans la nature raisonnable. Or, tout ce qui implique perfection doit être attribué à Dieu, car toutes les perfections sont renfermées dans son essence, il faut donc lui donner le nom de personne, non pas comme aux créatures, mais dans un sens plus élevé, ainsi qu'il en est de tous les noms qu'on prend aux êtres créés pour les prêter au Créateur. Note. On a dit que, dans l'Écriture sainte, on ne trouve pas le mot « personne » appliqué à Dieu, mais qu'importe, si, dans mille endroits, on trouve l'équivalent? N'y voit-on pas, en effet, que que Dieu est l'être par soi? N'y voit-on pas qu'il est au suprême degré l'être intelligent? C'en est assez pour autoriser l'emploi du mot « personne ». Si l'on admettait que l'on ne peut employer à l'égard de Dieu d'autres expressions que celles de l'Écriture sainte, on serait réduit de ne parler de la divinité que dans la langue où ont été écrits les livres sacrés. On a dit encore que la définition de la personne ne paraît pas convenir à Dieu, parce que la raison a des procédés discursifs, que Dieu n'est pas une substance individuelle, puisqu'il n'a rien de matériel, enfin, que le mot substance ne convient point à celui qui n'a point d'accident. Voici quelques principes de solution qui pourront servir à réfuter ces objections. Dieu a une nature raisonnable, mais cette nature, pour être exempte des embarras de notre raison discursive, n'en est que plus raisonnable. Il est une substance, puisqu'il existe par lui-même, une substance individuelle, par là même que sa substance est incommunicable. Fin de la note. 4. Le mot personne exprime-t-il la relation? Si le mot personne ne signifiait rien autre chose que la substance divine, quand nous disons qu'il y a trois personnes en Dieu, loin de fermer la bouche aux hérétiques, nous donnerions prise à leur calomnie. Ils prétendraient avec raison qu'il y a trois substances divines, trois essences, et, par conséquent, trois dieux. Le mot personne signifie à la fois la relation et l'essence, mais non pas de la même manière, il désigne directement la relation et indirectement l'essence, parce qu'il signifie la relation subsistante dans la nature divine. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.